ma chanson engagée, il n'y en a qu'une, celle-là. C'est une chanson qui parle du mouvement Nuit Debout. Je ne sais pas si vous avez vu des gens sur les places publiques à Manosque qui ont discuté un peu. Moi, j'habite dans un village de 1000 habitants, dans le village d'à côté où ils sont 4000. Ça a duré un bout de temps. Les gens se réunissaient le vendredi soir, parler, essayer de trouver des solutions, essayer de changer le monde. Et j'ai trouvé ça super joli comme idée, très utopique. Et donc cette chanson, elle parle de ça, du fait d'essayer de rêver, d'essayer de se réunir, de se dire qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et voilà, c'est déjà de la politique. Déjà d'être là avec nous ce soir, c'est déjà de la politique. Qu'on soit ensemble. Je repensais à ce qui s'était passé hier soir. Celle-là s'appelle Standing Night. Be strong, yes, so strong. hein. La prochaine s'appelle Bliss. Bliss en anglais, c'est un terme qui est assez difficilement traduisible. Ça parle de, c'est une sorte de notion de bonheur paisible. Et c'est une chanson qui est assez, enfin voilà, que je trouvais paisible, un peu une petite bossa nova comme ça. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait écrire un truc sur un petit bonheur du quotidien. Et donc voilà, cette chanson elle raconte en gros un dimanche matin, quand on ouvre les yeux dans son lit, et on voit des rayons du soleil qui tapent sur le plafond. En Bretagne, c'est pas tous les jours, donc on apprécie ça. Je marche dans mes préjugés, mais c'est pas vrai, tout le temps beau chez moi. Et voilà, et donc c'est des petits moments où on sait qu'on peut prendre notre temps. J'ai des enfants en bas âge, alors je sais que je vais pas être obligé de courir partout pour les habiller, les emmener à l'école, leur crier dessus.